qu'un fils victorieux d'un triomphe si beau va rendre grâce aux dieux. Souffrez qu'au nom du roi, qu'au nom de Rome entière, que prétendez-vous dire? Expliquez-vous, Valère, quoi? Lorsqu'Alba ses lois nous soumet aujourd'hui, comme fils de l'État, c'est le dieu tutélaire. Il nous a sauvés tous, nous triomphons par lui. Mais quoi? Sa fuite a fait notre victoire. Ignorez-vous encore la moitié du combat? Apprenez donc le bonheur de l'État et la vie si mortelle, le courage et la gloire.